Numéro 28 du MAG, comme chaque semaine, nous vous proposons un petit tour d'horizon de l'actu, des adaptations de comics à la télé et au cinéma, mais également les news VO et VF concernant les comics papier. On répondra à la question de la semaine, on fera un petit tour du côté de ce qu'il se passait il y a un an, et puis l'émission se terminera, comme de coutume, par le fun fact de la semaine. Je suis Mathieu et vous allez écouter le MAG. Avec moi cette semaine, Arnaud. Salut. Clément. Salut. Et Irish. Salut. On a l'habitude maintenant, on commence par la télé. On va laisser l'honneur à la série qui a fait l'événement cette semaine. On aura longuement l'occasion d'en reparler durant toute la semaine dans les podcasts. C'est Supergirl et c'est toi, Arnaud, qui va nous donner des nouvelles, notamment des audiences. Oui, alors tout le monde l'attendait ou pas, la série Supergirl. En tout cas, ça fait un gros, gros score aux États-Unis. Alors pour les chiffres, 12,9 millions de téléspectateurs pour 3,1 points sur la cible des annonceurs des 18-49 ans, ce qui est le meilleur score parmi toutes les nouvelles séries lancées depuis septembre. Donc une excellente audience grâce à The Big Bang Theory qui était diffusé juste avant. Et The Big Bang Theory a fait quand même plus de 16 millions de téléspectateurs. Donc quand même, Supergirl a récupéré quand même 12 millions parmi tous les spectateurs. Donc un gros score grâce à la série. Sauf qu'à partir de cette semaine, à partir de l'épisode 2, The Big Bang Theory est déplacé au jeudi. Et donc Supergirl va devoir se débrouiller toute seule. C'est vraiment cette semaine qu'on va voir si la série a vraiment convaincu les gens ou pas. Et on peut aussi noter que parmi les audiences, tant qu'on y est, que le record précédent, c'était Agents of S.H.I.E.L.D. avec 12,2 millions, donc Supergirl l'a un petit peu dépassé. Donc à voir si pour les prochains épisodes, l'audience va être constante ou juste cracher. Je donnerai pas mon avis, mais... Mécaniquement, de toute façon, ça va baisser. Voilà, ce qui est quand même à retenir, c'est qu'Agents of S.H.I.E.L.D. n'est plus la série comics qui a fait le meilleur démarrage depuis cette vague d'adaptation, on va dire. C'est désormais Supergirl qui servira des talents. Et Supergirl continue à faire parler d'elle, puisqu'on a appris cette semaine un casting. Oui, alors c'est celui de Henri Tcherny, si je le prononce bien à la polonaise, qui a joué dans Revenge. Donc on a appris qu'il jouera Winslow Shot, alias Damon. Et si vous avez vu le pilote, le nom de Winshot vous dit quelque chose. C'est parce que c'est le collègue de Supergirl qu'on voit dans le pilote. Donc là, Toyman, en fait, c'est son père, tout simplement. Voilà. On le verra assez vite, de toute façon. Pour Supergirl, c'est tout pour cette semaine. C'est déjà pas mal. On va passer à une série que tu affectionnes beaucoup, Clément, et c'est toi qui vas nous parler. Il s'agit donc de Gotham, et tu vas nous parler de trois castings pour la série. Trois castings. Donc effectivement, c'est plutôt des personnages emblématiques du Bat-univers. Dans un premier temps, on a eu... Nathan Darrow de House of Cards qui va interpréter Victor Freeze. Sa femme, donc on verra sa femme, Nora Freeze, sera jouée par Kristen Hager, donc on a pu voir dans Baby Human. Et on aura le droit également, mais ils ont visiblement décidé de se faire plaisir, on aura le droit au personnage d'Hugo Strange interprété par Eddie Wong. Donc on a pu voir dans l'infâme Who's Jurassic World. Effectivement, ils ont décidé de se faire plaisir. Je ne vais pas te contredire. Là, on a beaucoup, beaucoup de personnages assez emblématiques de l'univers DC qui arrivent. Qui dit Dr. Freeze, on dira peut-être ou pas Mr. Freeze. On verra. Mr. Freeze, non, c'est la glace. C'est Mr. Freeze aussi. Oui, c'est Mr. Freeze. J'ai un gros doute là. Qui a inspiré qui? C'est vrai qu'il soit aussi bon que Schwarzenegger. Soit dit en passant, n'était pas le pire. Donc, on peut peut-être en tirer quelque chose. Arrow fait aussi parler de lui. On sait demain soir, puisque nous sommes Demain soir, mercredi, l'épisode 5 de cette saison 4 va être diffusé sur la CW. C'est le fameux épisode avec Constantine qui va faire son apparition, qui va venir faire un petit coucou à la série. Et j'ai envie de dire, entre comme de par hasard, comme diraient les enfants, l'épisode a fuité. Comme par hasard. C'est bizarre que ce soit pile celui-là qui fuite. C'est ça. De là à dire qu'on a envie de faire parler de la série et de faire parler de Constantine, c'est pas impossible. Voilà. Mais Constantine, ça a déjà été arrêté. Oui, mais... Ouais, mais il y a des rumeurs et des discussions pour que la CW reprenne la série, qui n'ont jamais abouti, ils n'ont jamais repris la série, mais... Déjà, le producteur de Constantine, qui est en fin de semaine, il avait dit « S'il reçoit 2000 retweets, je poste le script de l'épisode 14 de Constantine », ce qu'il a fait vendredi soir. Et samedi, comme par hasard, l'épisode de Arrow avec Constantine suite. Voilà, on peut s'imaginer que si... un buzz suffisamment conséquent autour de l'épisode, que cet épisode reçoit un bon accueil et jugé comme bon, voire très bon, ou je ne sais quoi, et qu'on a un buzz autour de cet épisode et de Constantine, ça peut pousser un peu le personnage pour qu'il prenne un peu plus de place sur la chaîne. Bah, moi, j'attends. Je veux bien le voir, parce qu'on en parlera tout à l'heure, on en parlera lorsqu'on sera sur nos écrans. J'ai pas été déçu de l'épisode d'Arrow de cette semaine. Peut-être ça permettra de remonter un peu plus la barre. On verra ça, justement, je dis. C'est surtout que je suis en train de me dire, pour le moment, enfin, on en parlera, mais en gros, les meilleurs épisodes dans lesquels on a eu trois sur cette nouvelle saison, et ben, ça reste quand il y a un peu de mystique, je trouve. Donc, oui, avec Damien Dark. Oui, voilà. Bon, allez, on va pas trop déborder sur l'émission. Ouais, on va pas déborder. On aura l'occasion d'en parler, de toute façon, sur nos écrans. On va enchaîner avec toi, Irish, pour The Walking Dead, et une bonne nouvelle pour les fans. Bon, plutôt une bonne nouvelle, hein, puisqu'on a appris que la série était renouvelée pour une septième saison. Donc, ça nous laisse... on a encore une saison supplémentaire à revoir Rick et toute sa bande. Espérons qu'ils soient au complet, on ne saura pas. Ouais. On verra bien combien de personnes restera pour cette saison. Oh, ils ne seront pas au complet, hein, de toute façon. Et on verra même si les personnages sont au complet. Après, du coup, moi, je ne t'en ai pas surpris du tout, parce que pour moi, c'était déjà fait, en fait. Bah, moi, je suis surpris qu'ils annoncent ça, parce que c'était pour moi, comme tu dis, bah, déjà fait. Compris que c'était un pack saison 6 plus 7, en fait. Donc, du coup, je n'avais pas été étonné. Ils avaient renouvelé pour la saison 6, ils avaient mis une option pour la 7. Ah, d'accord. Oui, enfin... Mais c'est pas surprenant. Bah oui, ça aurait été très surprenant que ce soit la dernière, ça. C'est la plus grosse série du câble américain, et c'est l'une des séries qui fait le plus d'audience, toutes chaînes confondues aux États-Unis. Donc, il n'y a rien de surprenant. Tant que les comics dureront, je vois mal la série télé s'arrêter. Et en plus, quand on voit là où ils en sont dans les comics, on a encore beaucoup de marge. Moi, je vous dis, ça va taper la saison 10. Oui, ça peut aller jusque-là. Allez, comme si on n'en avait pas assez, Clément, un nouveau projet, et cette fois pour l'Angleterre. C'est ça. Donc, ça a été annoncé cette semaine. Donc, oula, ça sera alors une série que je ne connaissais absolument pas. T'es pas le seul. De comics, je ne connaissais pas du tout. Donc, la mini-série Butterfly sera adaptée sur Channel 4. Et alors, je vais vous dire vite fait ce que ça. En gros, le concept de cette série qui a l'air magnifique. Vous sentez toute l'ironie dans ce que je dis. Alors, déjà, les noms que je ne connais absolument pas, donc cette mini-série est de Arash Amel, Marguerite Bennett et Antonio Fuzios Arcadia. Oh là, ouais, bref. Tu peux t'abstenir de ce nom compliqué, mais Marguerite Bennett, elle s'est quand même fait un petit nom chez DC maintenant. C'est pas une inconnue. D'accord, bah écoute-moi, ça va. Et donc, et en gros, cette série de comics, ça suit. Une jeune femme connue par le nom de code Butterfly, et donc qui travaille pour des services secrets ou une organisation d'espions appelée Projet Delta. Voilà, ça vend absolument pas de rêve. Ok, bah on verra. Ouais. Et bah tiens, tu vas rester dans le rêve, Powers. Ouais, on frétille tous d'impatience. d'impatience si on a appris que Will Wheaton a un rôle, mais un rôle secret dans la saison 2. Voilà. On sait que c'est un personnage qui aura beaucoup de pouvoir, d'après Brian Bendis, D'accord. qui a présenté lui-même ce casting. C'est pour ça qu'il n'a pas pu venir à Paris. La bouche. Cela dit, petite parenthèse, je ne suis pas sûr que l'idée de te voir frétiller, Clément, m'enchante particulièrement. Sans aucune transition, on va revenir sur quelque chose qu'on a complètement zappé la semaine dernière, c'est le trailer de Jessica Jones. Ce sera donc à toi l'honneur, Irish, en quelques mots, qu'as-tu pensé de ce Oui. trailer qui est sorti Donc il y a une semaine? voilà, on a eu droit enfin à un vrai trailer pour Jessica Jones, qui est un vrai trailer parce que lui, il dure 2 minutes 30, qui est un peu, qui change des petits trailers de 55 minutes, 55 secondes auxquels on avait droit. Et là, pour le coup, bon, on peut voir enfin tous les acteurs, sauf peut-être David Dr. Wolf Tennant. Si, on le voit. Ah, si, si, si, On le voit on le jamais voit. de face. On le voit jamais de Ah, face. si, on le voit à son bureau. Enfin, Ah, un bureau, en tout cas. moi, je le vois jamais de face. Je l'entends murmurer. C'est très On le bref, voit de hein. dos. On le voit de dos, C'est très mais. très bref. Je trouve que c'est à la toute fin quand il y a plusieurs images très rapides de demi-secondes qui apparaissent. Ah, mais par voilà, par contrairement par exemple à Jessica Jones, Kristen Ritter qu'on voit pas mal, Carrie-Anne Moss, la Trinity de Matrix qu'on voit, également Luke Cage, on les voit tous de façon bien, de façon on les voit très bien. Mais par contre David Tennant on le voit pour moi, ce qui me déçoit parce que j'adore cet acteur, mais ça laisse présager vraiment du bon en tout cas. Ça, je suis très enthousiaste. On en retrouve le côté très sombre qu'on avait déjà dans Daredevil, j'ai l'impression que ça va se répéter. Donc, trailer très prometteur pour ce que j'en ai vu. Oui, voilà, pareil, efficace, ça donne envie s'il y avait besoin de donner encore plus envie. Voilà, exactement. Clément, Arnaud, même avis, j'imagine. Ouais, Je suis non, content, justement, contrairement à Erich, qu'on n'ait pas vu David Tennant comme ça. Ça garde la surprise pour le personnage quand on découvrira la série. Mais je pense que c'est aussi fait exprès parce qu'il a un rôle Oui. aussi très très dans Justement, l'ombre. il va jouer avec Pourtant, ça parce que voilà, c'est il un manipule les personnage assez. personnages, il manipule les gens, donc oui. Et dérangeant, il va le Alors, jouer à plusieurs voilà. reprises. Donc, non, mais c'est vrai que le. Enfin, moi, je connais absolument pas l'univers de Jessica Jones. C'est vrai que l'actrice, enfin, même si je connaissais l'actrice qui incarne le personnage de par Veronica Mars, et encore, et à part ça, je connaissais pas du tout cette actrice. C'est vrai que là. C'est un peu Zimichomi, je crois, quoi, de savoir. Autant Daredevil, j'attendais parce que je connaissais un peu plus le personnage et je savais à quoi m'attendre. Autant là, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Et c'est vrai que le trailer de cette première saison, sans doute, est hyper efficace. On sent tout de suite que la série va être dans un peu le même ton que Daredevil, que ça va être vraiment concentré sur le passage de Jessica Jones, c'est visiblement c'est avec un personnage très intéressant, avec un bad guy assez bah, qui a l'air bon. David Tennant, c'est un excellent acteur, mais c'est vrai que je suis très curieux de voir ce bad guy parce que ça a l'air quand même un bad guy qui est quand même beaucoup plus axé, on va dire sur l'aspect psychologique intelligent. Psychologique, oui, Ça peut comme être vraiment super intéressant. Donc ouais, effectivement, moi c'est pour un j'ai produit vraiment hâte. comics, je pense qu'on peut s'attendre à plus sombre que Daredevil encore. Ouais, Mais par contre, j'ai une vraiment. petite interrogation. Je trouve que Luke Cage apparaît beaucoup. Et quand on sait qu'il va avoir une série pour lui, Mais du on le savait coup, déjà qu'il allait pas mal apparaître dans. pour quelqu'un qui va avoir sa propre série, il est un peu trop Mais présent dans ils sont celle obligés. des. Ils sont obligés, ça fait partie de l'histoire même de Jessica Jones. Non. Bon, je suis curieux de voir comment ils vont traiter ça, le fait d'avoir Luke Cage qui va apparaître beaucoup dans la série de Jessica Jones et sachant qu'il va avoir sa propre série. Donc c'est pas vraiment un personnage additionnel qui va apparaître de temps en temps, non. J'ai l'impression qu'on le verra par exemple un peu plus que l'infirmière dans Daredevil. D'ailleurs, je dis l'infirmière alors qu'elle est super célèbre. Son nom m'échappe, mais. Claire. Non, mais le nom de l'actrice. Ah, Rosario Dawson. Rosario Dawson, oui, voilà. Donc j'ai l'impression qu'on le verra beaucoup plus que Rosario Dawson qui avait vraiment pour le coup un petit rôle dans Daredevil. Oui, après, ils n'ont pas le même impact l'un dans la vie de l'autre, donc du coup, c'est Ça, normal. c'est. Allez, la Donc, question de la voilà. semaine pour passer à autre chose. La question de la semaine, évidemment, dans l'actualité, le pilote de Supergirl. Nous avions demandé sur comicstories.fr de donner note à cet épisode. On va pas rentrer trop dans le détail, ça donnera juste une petite tendance qui servira de teasing pour l'émission de jeudi. La note moyenne que vous avez donnée à la série est de 2,28 sur 5. 2,28 sur 5, donc c'est un peu en dessous de la moyenne. Ce qu'on peut retenir des réponses, c'est qu'il y a un vrai clivage, c'est-à-dire on a beaucoup de 4 et 5 sur 5, beaucoup de 0 et 1 sur 5, et assez peu finalement de 2 et 3. Donc du coup, c'est on adore ou on déteste, j'ai l'impression. Ouais, c'est une série qui semble toucher pas mal à l'émotionnel, je ne sais pas, ou à, enfin, qui semble déclencher des relations en tout cas assez extrêmes. On verra pour la suite. On a profité également de cette semaine et du lancement des petites questions sur Twitter avec deux choix pour vous demander si le pilote était à votre sens réussi ou raté. On a vraiment trop peu de réponses hein, pour pouvoir en tenir compte parce que c'est un outil qui est encore en rodage, qui a pas mal de problèmes techniques visiblement selon sur quelle machine ou sur quel navigateur, etc. On utilise Twitter. On voit ou on ne voit pas la question, donc du coup c'est vrai que c'est assez lourd. Donc on va laisser l'outil se développer avant de le réutiliser peut-être. La tendance est plutôt pour rater, mais voilà, trop peu de réponses vraiment pour pouvoir le considérer comme juste, voilà. Allez, l'Actu Comics VF, sans transition, et Actu Comics VF, il n'y en a qu'une, c'est Panini qui l'a faite cette semaine et qui nous a annoncé la sortie de trois choses pour début 2007. Alors, trois titres réservés aux adultes, hein. Panini le dit bien, c'est une news plus de 18. Effectivement, puisqu'on va avoir un deuxième tome pour Sunstone en mars, un nouveau tome de Crossed Terre Maudite en janvier et le tome 3 de Uber par Kieran Gillen en février. Voilà les trois titres annoncés par Panini cette semaine et puis c'est tout ce qui a fait les news des comics VF pour cette semaine. L'occasion de rejeter un petit œil un an en arrière, comme on le fait parfois. Et il y a un an, et il y a un an pile là, aujourd'hui 3 novembre, DC Comics annonçait Convergence. Le grand pétard mouillé. Ils m'ont quand même annoncé en grande pompe avec un poster qui était assez beau. Franchement, le poster était super beau avec toutes ces espèces de petits octogones qui montraient des images de tous les univers DC et de toutes les terres parallèles de chez DC. Avec cette espèce de méchant, on allait apprendre plus tard que c'était un méchant qui se tenait devant cette espèce de dôme. Et puis on nous a annoncé le retour de plein d'univers au fur et à mesure après suite à cette annonce. Et puis on nous a dit après que c'était pour le mois d'avril, mars et avril je crois. C'était. Et puis après on a eu Convergence. Depuis Convergence est terminée, le DCU est lancé. Est-ce que franchement ça valait cette annonce? Non, pas du tout. Parce que franchement on s'est quand même fait bien berner pour parler poliment. C'est pas du tout mémorable, c'est foutage de gueule. Ah bah c'est mémorable, mais pas dans le bon sens. Oui, voilà. C'est-à-dire que là, on s'est trouvé face à un event écrit par des artistes et des auteurs des années 90, mais toujours avec le style des années 90, et ça passe plus du tout maintenant. En plus, c'est des titres inintéressants. Enfin, je crois que toi et moi, c'était pareil. Hein. Durant tout le mois de Convergence, moi, j'ai rien pris chez DC. Je l'ai lu de loin parce que quand même la série principale, je voulais au moins voir ce qui se passe, si vraiment ça allait amener une révolution sur l'univers DC ou pas, parce que quand même ça avait l'ampleur d'une crisis hein, d'après la présentation et tout. Et au final, gros pétard mouillé. Oui, c'est ça, gros pétard mouillé. À la rigueur, je pourrais louer DC Convergence, l'annonce de Convergence, parce que ça a amené le DCU, et le DCU quand même sur pas mal de séries est quand même bien meilleur que le DCU. Il y a vraiment des titres qui se... Oui, ça a permis l'émergence de quelques titres. Les autres ont stagné ou régressé, mais c'est vrai que bons titres qui sont apparus. C'est vrai que je pense évidemment à Midnighter, je pense Midnighter, à Omega Men, des choses comme ça qui sont plutôt bien. Mais on n'avait pas besoin de Convergence pour ça. Ah non, ça c'est clair et net. Ça, en plus, Convergence, clairement, la preuve, je pense que toi c'est pareil. Enfin, moi j'ai commencé le DCU en ayant lu aucun numéro de Convergence et j'ai tout cassé parce que ça a eu aucune incidence, vraiment aucune incidence majeure ou même mineure sur la timeline de DC. Donc, je pense que c'est une série Telos maintenant. Ah oui, mais oui. Voilà. Attends, j'ai pas capté ce que t'as dit. On a une série Telos maintenant, qui est quand même le personnage créé dans Convergence. Ah ouais, c'est bien, tu m'apprends quelque chose. Bah voilà, elle vient de démarrer. D'accord, tu m'apprends quelque chose. Non, mais oui, c'est un pétard mouillé. Enfin, ça sert à rien, quoi. Non, ils auraient eu plus vite fait de dire, coucou, en fait, comme les New 52 c'est de la merde, que ça fonctionne pas, que ça se fait taper sur partout et qu'il n'y a aucune cohérence, et ben on décide de rebooter l'univers DC Comics. Et puis preuve, pour terminer avant de passer à l'actu ciné, preuve du grand intérêt de la chose, là normalement ça arrive chez Urban, là, hein, on va rattraper bientôt la numérotation, on est très très très proche de l'échéance. Urban n'en a pas encore parlé une fois. À suivre, comme j'ai l'habitude de le dire, l'actu ciné maintenant. Irish, c'est toi qui va commencer avec des suppositions concernant le trailer tant attendu de Captain America Civil War. Bah voilà, il va falloir encore attendre, puisque selon certaines sources, on devra avoir le trailer de Captain America Civil War au moment de la sortie de Star Wars, de Star Wars 7, donc qui est prévu pour le 18 décembre. Donc on attend jusqu'en décembre pour pouvoir voir ce trailer. Savoir, certaines rumeurs annonçaient une sortie au moment de Spectre, hein, à mi-novembre, qui est généralement la date de sortie des bandes annonces Marvel, mais pour il paraît que ce serait plutôt pour fin décembre. Donc enfin une... Oui, vas-y. Non, ils concentrent tout le marketing sur Star Wars. Ouais. Et une fois que le marketing est fini, bah, ils lancent bien pour Civil War. Après, voilà. Je pense que pour Star Wars, c'est bon. Ils ont trop besoin de se concentrer. Non, c'est clair. C'est sûr. Non, mais je pense que c'est. Et puis en plus, Captain America, ça reste quand même enfumé dans la même maison que Star Wars. Voilà, c'est un film maison qui va probablement voir un autre film maison. Donc. C'est ça. Donc, puis à moins, ils sont plus assurés de toute manière que le trailer ait plus d'impact avec Star Wars, et avec voilà, c'est évident. C'est évident que stratégiquement. Plus gros événement pour Star Wars, si c'est possible. Ouais, ça a enfin une raison d'aller voir Star Wars. Oh, mais là ça fait du bien, le troll de temps en temps. T'inquiète, il y a Supergirl pour ça. Ouais. Allez, Clément, Marvel a annoncé un casting pour Guardians of the Galaxy, ouais. Volume 2. Ouais, volume 2. Et donc, pour ce volume 2, après, alors si je dis pas de conneries, c'est Elodie Young dans Daredevil, c'est ça? Dans Jessica Jones. Non, dans Daredevil. Dans Daredevil saison 2, oui, c'est dans ça. Dans la saison 2, Avengers. Française. Et bah là, on a décidément, Marvel aime les Françaises. On a une nouvelle Française en la personne de Pomme Clémentief, je sais pas comment ça se dit. Clémentief, moi je dirais. Mais ouais, Clémentief, je dirais ça aussi. Encore une. Et donc, qui a joué dans Pigalle la nuit et Old Boy. Et donc, c'est un rôle secret, en sachant que la production voulait spécifiquement une actrice asiatique. Et la rumeur veut qu'elle serait Mantis. Voilà donc la fameuse nouvelle gardienne de la galaxie. Cool. Voilà. Bah oui, voilà. Cool pour les rôles féminins, cool pour les actrices françaises, en espérant Cocorico, que Julie Delpy. Et autre bonne nouvelle pour Marvel Studios, pour terminer ce pan-là des news ciné, Irish, c'est une nouvelle pour Ant-Man. Ant-Man qui devient officiellement un succès, puisqu'il vient de passer la barre des 500 millions de dollars. La fameuse. Merci. La fameuse barre, sachant que le film avait un budget de 130 millions, mais ça avait été déjà remboursé avec rien que les recettes des États-Unis qui s'élevaient à peu près 180 millions. Et donc, il faut savoir qu'on parle aujourd'hui de cette barre des 500 millions parce que le film est sorti récemment en Chine, ouais. Qui a rajouté quand même 80 millions supplémentaires dans les recettes. C'est donc, ça. Voilà. Donc aujourd'hui, Ant-Man est un succès et donc, on sait déjà qu'il y a un 2 qui est prévu avec les mêmes acteurs, le même réalisateur Peyton Reed à la barre. Et on voit Ant-Man et la guêpe, Ant-Man and the Wasp, avec donc Paul Rudd et Evangeline. Voilà. Donc, 9e film donc, Marvel Studio a dépassé la barre des 500 millions de dollars. Et pendant ce temps, que fait DC? Attends, qu'il serait ils arrivent. Je pense qu'on les entend bien arriver, d'ailleurs. Ouais. Espérons qu'il ne soit pas trop tard, quand même. T'inquiète pas. Non, je pense pas. Pour ça. Allez, on va laisser Arnaud maintenant nous parler d'un individu qui le passionne, Stan Lee. Ouais, il fait beaucoup parler de lui en ce moment, en dehors de ses caméos, il veut lancer plein de projets. On avait parlé il y a quelques semaines, il avait annoncé qu'il allait faire une annonce pour un projet avec William Shatner. Stan Lee, c'est le seul mec qui peut se permettre d'annoncer une annonce. C'est ça. Il y a plusieurs trailers, lui, il fait l'annonce de l'annonce. Donc, toujours pas de nouvelles de ce projet, mais en attendant, il en a sorti d'autres. Et il a commencé par créer des nouveaux univers de super-héros. Apparemment, il aime bien la Chine, puisqu'il a créé un nouvel univers de super-héros dans des clips vidéo. Il a appelé ça Stan Lee's World of Heroes Presents. Et le premier clip s'appelle No Hero Now, de Vi Nguyen avec Jason Chu. Donc, des inconnus pour moi et pour vous, je pense aussi. Et donc, j'ai regardé le clip vite fait, il dure 5-6 minutes, et c'est pas super passionnant. Et l'implication de Stanley doit pas être très grande. On voit apparaître 30 secondes au début pour dire « Je vous présente mon nouveau projet, mon nouvel univers de super-héros. Et, bon visionnage. » Et ensuite, le clip commence. Et dans l'autre projet qu'il a annoncé, il n'a pas une grande implication non plus, il a annoncé via sa société Stanley Global Entertainment, qui produira avec une autre société chinoise qui s'appelle Fundamental Films. Il va produire de nouveaux films de super-héros sur une idée de lui-même. Il annonce lui-même dans un communiqué de presse un nouveau film de super-héros sur une idée de Stanley, produit par Stanley. Donc le film s'appelle Royaume, on sait rien de l'histoire. On sait juste qu'il y aura l'actrice Li Bingbing, qu'on a vu dans les films les plus connus de sa filmographie, c'est Resident Evil et les derniers Transformers. Voilà, bien passionnant. J'ai beaucoup de respect pour le monsieur, hein, parce qu'il a, fait. C'est vraiment un dieu, ce mec-là. Mais quand je vois, c'est les derniers trucs qu'il fait, que ce soit en comics ou là, maintenant, j'ai un peu de peine quand même. Il faisait une sorte de reality show là, avec des gens qui essaient de se faire passer pour des super-héros. Je sais plus, ça passait sur MTV ou un truc comme ça. Pas comme les Bookmen, un truc du genre. Un truc, c'était nullissime. C'est triste. Je pense qu'il devrait se contenter de ses petits caméos et de vivre du fruit de ces durs labeurs, parce que voilà, comme tu disais, c'est quand même une légende. Allez, on va parler de Batman maintenant. Côté cinéma, donc on a un film solo qui est une rumeur. On ne sait pas qu'il y aura un film solo, on ne sait même pas s'il y en aura un. Enfin voilà, c'est juste une rumeur. Il y aurait peut-être un film sur Batman, peut-être réalisé par Ben Affleck. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que sur un film qui n'est qu'une rumeur, on a déjà une rumeur d'histoire. Puisque ce serait autour de Red Hood. Voilà, donc. Je pense que ça y est, on peut s'arrêter. Bah, c'est une chouette. Bah, s'ils font un film là-dessus, moi, je serais plutôt content. Ça va avec les rumeurs comme quoi le Robin de Batman, ce serait Jason Todd. C'est ça. Je crois qu'il y avait même une rumeur comme quoi le prochain film Batman va adapter au cinéma l'arche de la cour des hiboux. Du coup, pas de hibou si c'est Red Hood. Enfin bon, voilà, c'est vraiment rumeur, n'importe quoi. Donc voilà, c'est juste pour souligner qu'on arrive à faire dire n'importe quoi. C'est ça. Au moindre petit élément. Je trouve que le Batman, l'anime qui était sorti il y a peut-être quelques années, je pensais Under the Red Hood, c'était vraiment un très très bon anime. Donc, j'ai trouvé ça vraiment un film d'animation. Donc, s'ils font un film là-dessus, moi je ne pourrais que leur donner mon approbation, même s'ils n'en ont pas besoin. Donc là aussi, on était passé dessus la semaine dernière, on n'en avait pas parlé. On a eu quand même un trailer final pour Star Wars 7. Juste pour deux mots, même tarif que pour Jessica Jones, on est d'accord, c'est vivement le 16 décembre. Ça fait C'est pas le 18 décembre, non, c'est aux États-Unis le 18 décembre. Oui, ça fait plus envie en tout cas que le premier trailer que j'avais trouvé un peu limite. Ouais. Mais voilà, là, le deuxième, c'est bon, Maria m'a un peu réconcilié et ça y est. C'est très bon, c'est très très très bon. Ça y est, du coup, j'ai précommandé ma place. C'est bon. Oui, moi. Moi plus que ça. Non, mais et puis ce qui est fort, moi, en tout cas, l'impression que j'ai eue avec ce trailer, c'est déjà, on sent vraiment la patte de J.J. Abrams. Ça se sent clairement. On sent que Abrams, bon, déjà, dès la bande-annonce, on le sent de toute manière qu'Abrams est fan de Star Wars. C'est évident. Et on le sent qu'il va s'inspirer de la trilogie. Et, enfin, de toute manière, si on a suivi, enfin, moi, j'ai suivi un peu les news afférentes au tournage, etc. Et c'est vrai que c'est là. Et on sent déjà on sent que ça se veut un hommage à la trilogie, à la fois quelque chose qui va enrichir l'univers canon de Star Wars, mais tout que la bande-annonce est assez énigmatique, finalement, on sait pas tant de choses que ça. On sait rien du scénario. C'est ça qui est bien. On sait pas grand-chose, on peut supposer certaines choses, mais voilà, c'est... On sait qu'on va avoir Star Wars. Non, mais c'est ça, mais le trailer est très bien... Est très bien monté, c'est vraiment, moi j'ai vraiment, déjà moi j'avais été un gros, comment on appelle ça, un gros hip sur le hype, j'avais déjà, surfé la première bande annonce, puis là, c'est vrai que là, avec la deuxième, la bande annonce finale, Vivement le 16 décembre, quoi. Si on peut s'arrêter 2 secondes sur J.J. Abrams, il faut quand même dire que ce mec-là. 2 secondes et pas 3. Il faut quand même se dire que ce mec-là, c'est quand même un sauveur de franchise. Je me souviens ce qu'il a fait avec Star Trek. C'était vraiment génial. Le 1 et le 2, vraiment adoré. Moi qui connaissais pas trop l'univers à la base, j'étais pas perdu, j'ai vraiment aimé. Et aussi, la franchise Mission Impossible qui, depuis qu'il a repris, ne fait que monter. Donc, c'est plutôt un très bon signe pour Star Wars. On verra bien après. Moi, j'ai tendance à dire que vu que papy Lucas n'est pas derrière ce film, ça fait que bien. Allez, on va terminer l'émission par les quelques actus VO. Non, Irish, tu vas garder la parole et tu vas nous parler d'un nouveau projet de Marc Millar. Oui, donc Marc Millar qui revient donc chez Marvel avec un nouveau projet intitulé Impress, donc qui devrait faire équipe avec Stuart Immonen sur ce projet-là. Ouais. Et puis pour terminer, juste pour vous signaler 2 Humble Bundle. Le premier est un Humble Bundle Topco. Il faudra se dépêcher parce qu'il se termine mercredi, donc demain. C'est un bundle avec des tas de trucs, notamment à l'intérieur le compendium, donc l'intégralité de la série Rising Star, le volume de Midnight Nation, les 3 premiers volumes, on en parlait tout à l'heure, de Sunstone, on a le premier volume de Postal, Darkness Origins, on a 4 TP, on a 4 TP de Witchblade Rebirth, enfin voilà, il y a énormément de comics du label Topco. Voilà, pour $15 vous pouvez avoir tout ça, et en digital évidemment. Ça peut vous séduire. Et puis on a un autre bundle qui a été lancé lui ce week-end et qui est encore valable une bonne semaine. C'est le bundle Army of Darkness produit par Dynamite. Pourquoi maintenant? Tout simplement parce que c'est un univers dans lequel on retrouve Ash. Oui, le Ash de Ash versus Evil Dead. Donc voilà, ça tombe à point nommé pour le lancement de la série télé. Voilà. Et c'est cette news qui conclut la partie actu du mag. Juste pour parler d'un petit fun fact qui va nous orienter doucement vers l'émission de jeudi, encore une fois consacrée à Supergirl. Il y a eu une adaptation animée, enfin Supergirl a fait son apparition dans la série Superman The Animated Series de Bruce Timm et Paul Dini, ça on le sait. Ce qu'on sait moins, c'est que son identité dans la série, c'est Kara Inze et non pas Kara Zor-El, comme sa vraie identité dans la plupart de ses incarnations comics. Pourquoi? Parce qu'à cette époque, elle est morte, suite à l'échec du film en 1985, DC, qui avait besoin de sacrifier un personnage dans Crisis on Infinite Earth. C'est dit, bon, tiens, tant qu'à faire, ça ne sera pas une grosse perte, on va sacrifier Supergirl. Donc Supergirl se sacrifie pour sauver le multivers. Et DC, suite à ça, a décidé que Kal-El, Superman, serait le dernier et le seul kryptonien encore en vie. Donc il était hors de question pour DC de laisser Bruce Timm nommer sa Supergirl Kara Zor-El. C'est bien dommage. Ouais. Petite guillemette. Voilà. On n'aime pas. Puis à la rigueur, c'est pas grave, c'était un projet parallèle au comics, c'était pas dans le même univers, c'était autre chose. Donc pourquoi ne pas. Bon. Donc voilà, c'était le petit fun fact de la semaine. Pourquoi Supergirl ne s'appelle pas Kara Zor-El dans la série animée Superman? On reparlera évidemment de Supergirl, de Kara et de ses autres incarnations dimanche dans Comic Stories présente Supergirl. Et puis on se donne évidemment rendez-vous jeudi pour le débrief du pilote de Supergirl dans le 28e épisode de Sur nos écrans avec beaucoup de monde. Voilà. D'ici là, bonne lecture et à bientôt. Salut. Salut.